Концерт. Прослушайте текст и объясните, почему хитрость отца закончилась неудачей. Véronique était géniale, un génie musical. Ses œuvres musicales étaient meilleures que celles de Debussy ou de Ravel. Elle jouait aussi du piano, de la guitare et du violon. Qui a découvert son génie? Son professeur de musique, bien sûr. Qui avait confiance en elle? Seulement son père, un riche marchand de vin. Quand on a une fille unique et prodige, il est absolument nécessaire d'organiser un concert. Monsieur Dupont, le père, a invité tous les parents. Il leur a promis des rafraîchissements et des friandises. Chacun recevra une corbeille de fruits après le concert. Il y aura du monde, les portes craqueront. Mais comme les parents n'avaient aucune envie de souffrir, eux tous ont refusé de venir. Le père, si fier du génie de sa fille, devenait de plus en plus triste. Qui pouvait l'aider? Que faire? L'idée magnifique lui est venue qu'il y avait beaucoup de Dupont dans l'annuaire. Il allait envoyer une invitation à chacun, qui allait penser que Véronique était de sa famille. Il viendrait sans faute. Le soir du concert est arrivé, et voilà une foule de Dupont. Il n'y avait plus de place libre. Beaucoup d'invités se plaignaient, parce qu'ils devaient rester debout dans le corridor. La fille a commencé à jouer la valse à 1 minute. Soudain, un homme a accouru à bout de souffle et a crié « Monsieur Dupont, votre maison a pris feu !» Tout le monde est aussitôt sorti de la salle. Le lendemain, cette critique du concert a apparu dans le journal. Le jeune génie musical, Véronique Dupont, a établi un nouveau record. Elle a terminé en 10 secondes la valse à 1 minute.